Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner les 3 erreurs à ne pas faire si tu veux devenir un investisseur rentable. Laisse-moi me présenter, je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux les télécharger, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Au-dessus ou en dessous, tu mets juste ton prénom et ton email et je t'envoie ce cadeau de bienvenue avec grand plaisir. Je vais te donner les 3 erreurs à éviter si tu veux devenir un investisseur rentable. Erreur numéro 1 que je vois très fréquemment, c'est vouloir copier. Copier son voisin, copier quelqu'un sur Internet, copier, copier, copier. Stop! On est tous uniques. On a tous des objectifs, des stratégies différentes. Pas parce que Monsieur Dupont va faire une SCI que tu dois faire une SCI. C'est pas parce qu'il va choisir une SCI à l'IS que tu vas faire une SCI à l'IS. C'est pas parce qu'il va choisir une SCI à l'IR que tu vas faire une SCI à l'IR. C'est pas parce qu'on va te parler de meublé professionnel qu'il faut faire un blocage pour essayer de passer en meublé professionnel. C'est pas même parce qu'on te dit que le nu n'est pas rentable qu'il faut pas regarder le nu et essayer de comprendre pourquoi c'est pas rentable et dans quel cas ça peut être rentable. Tout ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque et que je vois chez beaucoup d'investisseurs débutants, c'est vouloir copier quelqu'un parce que ça rassure, parce que chez l'autre personne, ça marche. Et ça, honnêtement, c'est l'erreur qu'il faut que tu gommes au plus vite. Il faut que tu fasses par rapport à ta stratégie, par rapport à toi, par rapport à ta famille, par rapport à ce que tu veux réellement et pourquoi tu veux faire de l'immobilier et pourquoi tu veux être un investisseur rentable tout simplement. L'erreur numéro 2, c'est prendre des risques que tu ne comprends pas. Je m'explique. Tu vas prendre un immeuble, tu sais qu'il y a des risques, mais tu sais pas trop ce qui peut t'arriver dans l'immeuble. Donc tu visites un immeuble, ça a l'air correct à l'intérieur. T'es même pas monté, enfin t'as même pas fait venir quelqu'un pour la toiture ou tu vois quelques petites choses au niveau de la façade mais t'es pas sûr. Donc tu sais qu'un immeuble c'est risqué. Donc tu dis c'est pas grave, moi je prends des risques, je suis un investisseur. C'est pas grave, je peux prendre des risques. En fait, ok tu vas prendre des risques. Ok peut-être que tu vas être rentable. Mais là tu prends des risques que tu ne comprends pas. Parce que tu sais pas, t'as pas compris comment une toiture s'entretenait. Tu n'as pas compris. Si ta toiture devait par exemple être remplacée ou être on va dire modernisée en partie dans les années à venir, tu n'as pas compris si les fissures que tu as commencé à avoir sont des fissures vraiment de structure ou alors c'est juste esthétique. Donc c'est un exemple pour montrer que juste t'as pas compris les risques que tu prenais. Tu veux faire une division, tu dis bon je verrai le PLU plus tard. C'est pas grave, de toute façon on prend des risques quand on fait de l'immobilier, je verrai ça plus tard. Non, parce que du coup tu n'as rien compris, tu n'as pas compris le risque que tu prenais. Le risque que tu prends, c'est potentiellement de ne pas avoir un accord pour faire une division officielle et donc par exemple de le mettre dans une condition suspensive pour pouvoir le demander et ne pas y aller si tu ne peux pas faire ta division officielle. Et derrière ça, c'est déjà de connaître le PLU pour savoir les contraintes qu'il peut y avoir à faire cette division officielle. Maintenant, tu sais le risque que c'est de faire une division officieuse, tu as bien compris tout ça, donc il faudrait faire plus d'une vidéo pour bien t'expliquer, mais tu as bien compris tout ça, et là, tu prends le risque de faire une division officieuse et de jamais pouvoir faire une division officielle et de revendre en l'état. Tu as compris ton risque, tu le prends, tu vas potentiellement augmenter ta rentabilité pendant un certain temps. Pas de problème, tu as compris ce que tu faisais. Donc là, ça peut aller. Et le risque numéro 3, c'est d'investir sans se former. Se dire que c'est trop cher et que tu auras bien le temps d'apprendre sur le tas, entre guillemets. Oui, mais en immobilier, le problème, c'est que les erreurs que tu vas faire vont te coûter des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Et oui, tu peux te former, entre guillemets, t'auto-former par des vidéos YouTube, mais des vidéos YouTube de marketeurs qui vendent un petit peu du rêve. Pour vendre leur formation par exemple, c'est cool, mais du coup tu vas avoir peut-être un ancrage qui sera un petit peu biaisé et tu vas croire que certaines stratégies tu peux le faire assez facilement alors qu'en fait ces marketeurs, ces youtubeurs qui veulent juste te mettre en avant, C'est que oui, c'est possible de gagner de l'argent avec l'immobilier. Oui, c'est possible d'être indépendant ou de gagner sa liberté financière grâce à l'immobilier. Par contre, ça se fait étape par étape en apprenant les choses calmement, tranquillement. Et c'est le problème aujourd'hui du trop d'informations qu'on a, c'est qu'on a l'impression qu'on peut toujours s'en sortir tout seul. Et oui, tu peux t'en sortir tout seul. Oui, sûrement, tu pourras ne pas faire d'erreur. Mais je t'encourage en tout cas à te former, t'auto-former, c'est-à-dire te former tout seul. Ça va être plus long, mais pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, suis les bonnes personnes, lis les bons bouquins et pose les bonnes questions à des gens que tu auras trouvés dans ton réseau et fais-le. Ou alors, une voie royale, une voie accélérée, c'est suis une formation. Ou encore plus, suis un accompagnement plus personnalisé qu'une formation. C'est par exemple ce que je propose moi à l'intérieur de mon club privé Immo rentable et sécurisé. Ce n'est pas une simple formation en ligne où je te donne des codes d'accès et que tu te débrouilles tout seul. C'est un espace de formation, mais à côté de ça, c'est du coaching commun, c'est des conférences en ligne, c'est un accès directement à ma connaissance avec en pouvant me poser des questions directement à moi. Et ce n'est pas un assistant d'une équipe qui répond, c'est directement moi qui réponds aux questions et qui regarde un petit peu comment on peut optimiser la stratégie de telle ou telle personne à l'intérieur du club privé. Donc voilà, ce genre de choses, ça vaut de l'or et aujourd'hui c'est accessible pour quelques centaines d'euros et au final par rapport à ce que ça peut te faire gagner en immobilier, c'est vraiment un investissement sur toi qui est intéressant. Ne le fais pas forcément avec moi, fais-le avec la personne qui t'inspire, la personne qui quand tu l'écoutes, tu dis ouais, elle. Les valeurs que cette personne me donne, c'est des valeurs que je me retrouve dans ces valeurs et j'ai envie de travailler avec cette personne pour devenir un investisseur rentable, pour passer vraiment à la vitesse supérieure et pas juste faire un ou deux biens comme ça et dégager 50 euros ou être tout content d'un autofinancement pour vraiment monter. Mais en tout cas, forme-toi, prends ton temps, le temps de te former. L'immobilier, c'est long, hein, t'es pas à 3 mois près, ça va passer. Ça va peut-être s'écrouler, ce sera mieux pour toi. En tout cas, c'est quoi le meilleur moment pour investir dans l'immobilier? On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. C'est aujourd'hui, parce qu'il faut faire de l'immobilier et attendre, plutôt qu'attendre et faire de l'immobilier. À part ça, peut-être que c'était mieux à 30 ans, peut-être que ce serait mieux dans 20 ans. En tout cas, toi, tu vis dans la vie d'aujourd'hui, donc investis dès que tu peux, mais forme-toi avant. Donc voilà, on va reprendre, on va juste résumer les trois erreurs à éviter si tu veux devenir un investisseur rentable. 1. Arrête de copier sur ton voisin. Demande-lui pour comprendre un petit peu comment lui, il a pu travailler. Mais arrête de te dire que si lui, ça a marché, si lui, il a fait ça, que tu peux faire exactement la même chose parce que ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ta capacité à le faire, de tes connaissances, etc. L'erreur numéro 2, ça va être de prendre des risques que tu ne comprends pas. Donc, essaye de toujours comprendre les risques que tu vas prendre et ça va bien se passer. Et l'erreur numéro 3, c'est vouloir investir sans se former, partir tête baissée et se dire qu'on verra plus tard, on verra au fur et à mesure des investissements. Ça peut être une grave erreur pour tes finances. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager à des amis investisseurs. N'hésite pas à me mettre un gros like. À mettre en commentaire si tu es d'accord avec moi, si tu vois d'autres erreurs à éviter. Si tu es tombé dans une des erreurs que j'ai citées, ben, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Je lis tous les commentaires et bien évidemment, je te répondrai. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Donc tu appuies sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche. Sélectionne bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je vais publier des vidéos. J'en publie environ 2-3 par semaine. Comme ça, tu auras toutes les informations. Bah, d'ici la prochaine vidéo, je te dis porte-toi bien. Passe à l'action. Essaye de réfléchir à ces erreurs pour les éviter. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao! Thank you.